France Culture avec philosophie Géraldine Mühlmann. L'âge, est-ce vraiment dans la tête? C'est notre question cette semaine. Alors, ce qui est sûr, c'est que la façon dont les âges sont présentés dans la littérature et dans les contes aide à comprendre comment nous les vivons. Premier épisode, le personnage de la jeune fille. C'est vraiment toute une affaire, la jeune fille dans les contes populaires. Elle est cernée de toutes parts, et pas seulement par des ogres comme les petits-enfants. Il y a les pères vaguement incestueux, il y a les marâtres, il y a les futurs maris dont on attend beaucoup, princes censés ne jamais décevoir, mais si longs à venir. Et puis il y a ces forêts où les jeunes filles souvent fuient pour rejoindre des nains ou des arbres accueillants, mais où malgré tout elles sont souvent rattrapées. Et si la jeune fille des contes nous hantait bien plus que nous ne le savons, figure de la proie sexuelle à qui on demande bien peu ce qu'elle désire, elle, figure qui essaye d'échapper, de prendre le large, mais sans issue claire. Figure qu'il faudrait peut-être défaire, mais c'est si difficile de lutter contre ce qui s'est constitué en tant de siècles. Bonjour Pierre Péjus. Bonjour. Vous êtes philosophe, romancier, essayiste. Je ne cacherai pas aux auditeurs l'immense admiration que j'ai pour vous. Les contes dits de fées sont votre spécialité. Vous discutez ferme avec la psychanalyse sans l'abandonner pour autant. Vous dites des choses très profondes sur la destructivité qui se déploie dans les contes. Vos romans emportent aussi la marque, en particulier Le rire de l'ogre, dont je dois dire que je trouve que c'est un texte majeur. Vous venez de publier aux éditions Robert Laffont Métamorphose de la jeune fille, Oppression, Échappée et Émancipation à travers les siècles et les histoires. En duplex depuis France Bleu Provence, j'ai le plaisir d'accueillir aussi Paul Constant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes romancière, prix Goncourt, c'était en 1998 pour votre roman Confidence pour Confidence. Et depuis, vous êtes membre de l'Académie Goncourt. Pierre Péjus, dans son dernier livre, cite votre très bel essai de 1987 chez Gallimard, Un monde à l'usage des demoiselles. Et bien justement, Paul Constant, nous avons plein de questions à vous poser sur le canon classique de la jeune fille bien éduquée. Enfin, bonjour Anne Fontaine. Bonjour. Vous êtes actrice, scénariste, réalisatrice. Vous nous parlez des figures de la jeune fille au cinéma et de votre film de 2019 qui prenait à contre-pied le conte Blanche-Neige. Il s'intitulait d'ailleurs Blanche comme neige. Philosophie, Géraldine Mühlmann. Et vous aurez reconnu sans doute Un jour mon prince viendra, la chanson de Blanche-Neige et les sept nains de Walt Disney, sortie en 1937. Je rappelle que Blanche-Neige est un conte au départ probablement germanique, fixé en quelque sorte par les frères Grimm en 1819. Et j'ai pensé, si j'ose dire, attaquer cette émission avec elle, parce que Pierre Péjus, franchement, en relisant plusieurs contes une grande partie du week-end, je me suis dit que Blanche-Neige incarnait vraiment, et c'est terrible, la ravissante idiote. Elle n'était pas bête au départ, comme enfant, elle fuit la marâtre, avec une certaine intelligence, elle trouve les nains au fond de la forêt. Et puis après, adolescence oblige, je ne sais pas, elle n'écoute plus rien, les nains lui disent de faire attention, de n'ouvrir à personne, et par trois fois, elle ouvre à une vieille, la première fois qui lui vend un oubli lui donne un lacet qui l'étouffe, évanouie. Les nains la raniment. La deuxième fois, un peigne enchanté, elle tombe dans les pommes. Les nains la raniment. Il ne cesse de lui dire, n'ouvre à personne, n'écoute personne. Mais qu'est-ce qui lui prend à l'ouvre tout le temps? Elle a l'air d'être complètement à côté de ses chaussures. Et la troisième fois, c'est la pomme et elle tombe dans un très profond sommeil. Pierre Péju, est-ce que Blanche-Neige incarne vraiment la ravissante idiote? Je ne vous suivrai pas vraiment sur le terme de ravissante idiote parce que, en fait, c'est un personnage qui dépend aussi d'un récit et tout récit dépend de la façon dont on le raconte ou dont on l'écrit et dont on l'écoute. Et donc, on peut faire... Alors, ce qui est intéressant dans Blanche-Neige, c'est que c'est une histoire qui a une espèce de perfection en ce qui concerne précisément ce que j'ai appelé, moi, dans mon livre Métamorphose de la jeune fille, ce que j'ai appelé la figure de la jeune fille, c'est-à-dire que on la voit se constituer comme jeune fille, c'est-à-dire au moment où la mère, enfin, qui n'est pas véritablement sa mère, mais ça permet de la rendre beaucoup plus mauvaise dans la mesure où c'est une belle-mère, une marâtre. Parce que sa mère, à l'origine, était très bonne et heureuse. Et sa mère l'a désirait une fille, ce qui est aussi la forme d'originalité du départ de Blanche-Neige, désirait une fille en disant, elle se pique le doigt, il y a du sang sur la neige, et elle dit, j'aurais une fille qui soit blanche comme la neige, rouge comme le sang, et noire comme l'ébène pour la chevelure. Et donc, elle désire une fille, mais cette femme meurt. Et donc, Blanche-Neige se trouve en présence de cette marâtre. Et tout le dispositif consistant à ce que j'ai appelé, moi, la fabrique de la jeune fille est là présent dans Blanche-Neige. Oui. Parce qu'on la voit se constituer, disais-je, jeune fille, au moment où le miroir, qui symbolise le regard masculin, qui est à la fois le regard du père et le regard de l'homme en général, la mère y est très sensible, puisque nous avons affaire ici à un moment de mère narcissique, c'est-à-dire de mère particulièrement dans le désir de plaire et d'être séduite et de séduire l'homme. Et donc, lorsqu'elle prend conscience que ça... belle fille, disons, mais qui était jusque-là une petite fille. Pourrait être une menace. Oui, est une menace parce qu'elle est devenue la plus belle, puisqu'il y a cette espèce de concurrence dans le miroir, et le miroir magique, enfin magique parce qu'il décide de ce côté désirable, eh bien, le miroir dit, non, maintenant la plus belle de tout le pays, c'est Blanche-Neige. Donc là, il y a ce moment très important, avant justement que la mère prenne cette décision funeste, à savoir, il faut qu'elle meure, il faut absolument la tuer. Elle ne veut pas la tuer elle-même, elle l'a fait tuer. Et donc le garde-chasse ou chasseur la sauve et elle s'enfuit. Mais ce qui est troublant, c'est que après, si vous voulez, il y a une passivité terrible. Or, il me semble de Blanche-Neige, c'est-à-dire que non seulement elle fait exactement le contraire qu'on lui dit, comme si elle n'arrivait pas à réfléchir au danger, elle qui, petite fille, avait tellement bien fui le danger, mais ensuite, quand elle se réveillera de son sommeil, d'abord elle est un peu la femme objet, elle est si belle dans son sommeil que les nains la mettent dans un cercueil, une vitrine, elle est passive. Elle se réveille quand le prince arrive parce qu'on trébuche et la pomme sort de son gosier. Et là, le prince lui dit, où suis-je ? Le prince, c'est chez les Grimm, ça. Le prince lui dit avec moi, je vous aime. Bon, et les Grimm disent, elle va l'aimer aussi. Donc c'est terrible, si vous voulez. Ouais. C'est un personnage qui est vraiment une proie. Ouais. Passif et qui ne réfléchit pas beaucoup. Et je pense que vous, comme c'est d'ailleurs très intéressant, vous avez pensé à dénoncer vraiment dans ce dernier livre les figures de jeunes filles de cette sorte. Alors, elle est paradigmatique, non? Oui. Alors justement, là, on a sauté directement dans la dernière partie de Blanche-Neige, c'est-à-dire le moment où effectivement la mère a vraiment réussi, après 3 tentatives, à la tuer avec un poison. Mais moi, l'analyse que j'en fais, j'avais aussi déjà fait une analyse de Blanche-Neige dans un précédent livre. Oui, La petite fille dans la forêt des contes, c'est magnifique, ce livre, 1981. Voilà, il a eu plusieurs rééditions. Et donc là, ce qui m'a intéressé justement, c'est que Blanche-Neige, c'est beaucoup plus ambigu que le côté ravissante idiote, puisque à un certain moment, lorsque le chasseur lui laisse la vie, Blanche-Neige choisit de... s'égarer. Elle s'égare, elle part, et là, ce qu'on sent, alors je vous disais, un un récit, c'est un récit. C'est-à-dire que tout dépend comment on le raconte. Et même les Grimm maintiennent dans leur forme d'écriture une sorte d'ambiguïté. Mais Blanche-Neige, à ce moment-là, il a une sorte de complicité avec la sauvagerie, avec la forêt. Les branches s'ouvrent en elle, les animaux sont plus ou moins complices et elles complices des animaux. On sent quelque chose de cet ordre, comme on a pu le sentir dans beaucoup d'autres contes, cette complicité fille animale végétale. Et là, elle va tomber chez des êtres qui sont en fait monstrueux, si on veut, parce que les petits, nains, ils ont des allures de vieux, petits, petits vieux, etc., tout en étant compliqué à cerner. Et Blanche-Neige ne va pas du tout désirer les quitter. Mmh. Alors eux, ils lui font des recommandations, certes. Ouais, faut il la mettre au ménage quand même. C'est impressionnant quand même chez les Grimm. Est-ce qu'elle doit... elle n'est pas éduquée, là. On va en parler avec Paul Constant, qui réfléchit beaucoup à l'éducation des demoiselles au XVIIe siècle. Là, chez les Grimm, on est au 19e, et cette Blanche-Neige, à part passer le balai et leur faire à manger, elle est probablement illettrée. Hein. Oui, alors on peut le... Ce serait une façon de le raconter, vous avez raison. Oui, une façon de le raconter. Ça va dans le sens de votre livre, je trouve, qui dénonce des figures de jeunes filles complètement... Le moment où elle est reconvertie, en quelque sorte, et remise sur ce que j'ai appelé dans plusieurs de mes livres, dont celui-ci, la voie royale, que j'appelle parfois la voie princière de la jeune fille, c'est-à-dire, c'est le moment où la mère, par le poison, la tue, si on veut, mais sans la tuer, puisqu'elle reste dans une sorte de catatonie bizarre. Et là, elle n'est plus que sa propre apparence, qu'elle n'a pas été quand elle était dans la forêt. Et là, c'est la vitrine. C'est le cercueil vitrine. C'est un cercueil vitrine. C'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est plus que sa propre apparence, parce que le prince, nous dit-on, en tombe amoureux, donc c'est le regard masculin qui revient, comme il y avait le miroir. Et donc là, il se penche sur elle, alors il l'aime d'un coup, mettons pour son apparence, ce qui rejoint effectivement le fait que la jeune fille, au sens où elle est fabriquée, formatée, par les récits, c'est le thème de mon livre, mais tous les récits, ça commence déjà dans la mythologie, mais tous les récits ont une sorte d'ambiguïté, et là, Blanche-Neige, elle est remise sur la voie, si je peux dire, au moment où le poison a fait son effet, elle est purement apparence, pure catatonie, là le prince se penche sur elle et on nous dit, elle, comme, alors vous avez raison, comme dans une sorte d'hypnose, elle dit, ah mais je l'aime aussi, et donc... Il l'embarque et il l'embarque d'une façon comme un objet. Il n'y a aucune intériorité chez Blanche-Neige, alors que peut-être c'est un peu plus complexe. Dans La Belle au Bois dormant, chez Perrault, un siècle et demi avant, même chez Peau-d'Âne, on a un tout petit peu plus accès, me semble-t-il, dans le texte, à une certaine vie intérieure de ces jeunes filles. D'ailleurs, Paul Constant, vous ne perdez rien pour attendre. Je vais surtout vous interroger au moment où nous parlerons des contes de Perrault du XVIIe, parce que c'est là, nous expliquez-vous, pendant ce siècle, que c'est vraiment créé un certain canon d'éducation des filles. Donc je ne vous oublie pas du tout, mais sur Blanche-Neige, je suis quand même obligée... je vous en prie, allez-y. Ce que je voudrais dire, c'est que on part peut-être pas le bon mot, parce que la jeune fille, finalement, c'est une création c'est une création du XVIIe siècle. Ce que nous avons aussi bien dans les légendes, dans la mythologie et dans l'histoire, nous avons avant tout des vierges, des pucelles, et des filles. C'est-à-dire que c'est un genre, mais et qui va, comme le dit très bien Pierre Péju, du sang des règles au sang de la défloration. Voilà. Et c'est cette partie qui va évoluer dans l'histoire. Donc, je suis pas tout à fait d'accord pour appeler Blanche-Neige une jeune fille. Voilà. Pourquoi elle est vierge, elle est pucelle, et puis l'histoire du sang, c'est ce qui a mais créé le mot jeune fille sera attribué, et il n'y a pas d'appellation jeune fille avant le XVIIe siècle. Mais oui, mais Blanche-Neige, là, chez les Grimm, on est au 19e, donc il n'y a pas de problème. On est au 19e, et le 19e a fait ses dégâts. Ah, c'est-à-dire, on a fait une ménagère. D'accord, je comprends ce que vous voulez dire. Mais on va revenir au 17e. Alors là, on aura vraiment besoin de vos lumières, parce que chez Charles Perrault, pour le coup, chez le conte français, on est vraiment en plein 17e. Alors, cela dit, jeune fille ou pas, Blanche-Neige est un personnage que les femmes auront quand même du mal à prendre comme modèle. Et je ne suis pas surprise, Anne Fontaine, que vous l'ayez choisie, elle, pour démolir ce conte dans ce magnifique film, très intéressant, Blanche comme neige. Ça vous vient d'où, cette envie de vous attaquer, c'est le moins qu'on puisse dire, à la figure de Blanche-Neige et de produire une histoire véritablement opposée à toute cette passivité, je dirais à la fois sexuelle et cognitive, du personnage de Blanche-Neige? Mais je trouvais le fait de jouer avec le conte, de moderniser la relation et de Lou Delage, j'allais dire, qui est l'actrice qui joue Blanche comme neige, qui a ce visage intemporel et qui éprouve petit à petit, lorsque elle fuit dans la forêt, une sorte de sensualité qui se met en marche à son insu, mais qu'elle va diriger au fur et à mesure vers des choix précis sur des hommes différents, la liberté qu'elle va prendre malgré le fait qu'elle est, elle a été, comme avec la marâtre, comparée dans sa beauté, dans sa jeunesse. Il y a les mêmes tourments, en fait, de départ, avec ensuite une... Ça m'a amusée, et surtout, j'ai trouvé que c'était une façon d'incarner une modernité et un souffle d'érotisme. Ben oui, parce qu'en plus, ces nains qui sont complètement asexués dans le conte. Là, chez vous, c'est sept hommes. C'est des tempéraments. Voilà, je me suis servie. Couche avec tous. Elle couche avec quatre d'entre eux, ce qui est presque tous. Oui, et elle découvre plein de choses sur elle, sur la sexualité, voilà, elle réfléchit. Comme vous dites, elle réfléchissait pas beaucoup dans le conte, elle balayait. Ouais. Et là, elle incite les hommes à avoir un autre point de vue, finalement, sur elle. Elle décide tout en n'étant pas archétypale. Et alors, elle a autant la Blanche-Neige du conte doit finir, c'est ça le récit, vous disiez, Pierre Herpéjus, la direction doit finir par appartenir à un homme, ce prince, qu'elle va découvrir en se réveillant, autant la Claire, oui, la fausse Blanche-Neige, la Claire d'Anne Fontaine, n'a pas du tout envie d'appartenir à quiconque. On écoute cette scène donc de votre film Anne Fontaine de 2019, Blanche comme neige. Tu vas où ? Chez les jumeaux. Eh ben, je t'accompagne. Mets ton vélo dans le coffre. Non, t'inquiète. S'il te plaît. D'accord. Tiens, c'est pour toi. Cadeau. Merci, mais je veux plus de portable. Pourquoi ? Tout le monde en a un ? Bah, pas moi. Est-ce qu'on a passé une soirée merveilleuse ou je suis totalement à côté de la plaque? Oui, merveilleuse. Donc, pourquoi tu veux pas que je puisse te joindre? Je vois pas le rapport. Bah, ah bon? Ou plutôt, je le vois trop bien. Tu vas commencer par m'appeler, ensuite tu voudras savoir... Je veux juste savoir, moi, si tu peux envisager. Sam, j'envisage rien du tout. J'ai passé ma vie à envisager, j'ai tout fait. Là, je respire. Super, respire. Je suis très content pour toi. Moi, je souffre. Parce que je suis pas à toi? Non. Si. Je suis avec toi. Ça te suffit pas? C'est facile pour toi. Non, c'est pas facile. C'est pas facile d'être à personne. Mais c'est ce que je veux. Pierre Péjus a très envie d'intervenir. Est-ce que vous voulez parler de ce désir de possession de l'homme qui est avoué là, alors même qu'il a d'abord été un peu dans le déni? Il reconnaît qu'il voudrait bien la posséder. Oui, ben ici dans le film d'Anne Fontaine que j'ai vu, j'ai trouvé ça très habile de ce que j'ai appelé, moi, les tentatives d'échapper de la jeune fille, que j'ai trouvées dans les contes, mais aussi dans les mythes, hein, parce que derrière les contes, il y a quand même eu les mythes. Et dans les mythes, on trouve une structure un petit peu équivalente, où des jeunes filles, même si je répondrai aussi à Paul Constant sur l'appellation jeune fille, il y a malgré tout des jeunes filles aussi qui essayent d'échapper au destin, d'être poursuivies, comme ici, par un homme, par un faune, et qui trouvent le moyen d'échapper par la métamorphose. Mais dans le film d'Anne, il y a cette échappée par, vous le disiez tout à l'heure, on en parlait hors micro, par la sexualité, par l'érotisme, par une espèce de liberté sexuelle. Elles sont échappées ici, c'est ni la métamorphose en feuillage ou en roche ou en source, mais c'est une métamorphose physique de liberté sexuelle. Oui. Vous avez choisi dans votre film. Sur la façon apsychologique. Voilà. De réagir aux hommes, c'est-à-dire c'est sur le désir, ce qu'on autorise en général au masculin, elle le met en pratique sans jugement moral. De façon presque instinctive d'ailleurs. Même un curé l'encourage à vivre ses passions. Alors attention avec le instinctif, parce que quand elle dit là dans l'extrait, je n'envisage pas. Genre, elle lui répond, je n'en vis pas. Elle a réfléchi. Pas. Exactement. Je voudrais. Ah oui. C'est pas non, du tout. Moi, je ne réfléchis pas, c'est le contraire. Moi, j'ai bien réfléchi. Et tu sais quoi? Et je n'ai pas envie d'envisager. Je suis au courant de comment je me conduis avec chaque homme. C'est moi qui décide. Et elle nie tout instinct qui serait par hasard. Non, elle décide. Oui, vous avez raison, c'est pas instinctif, mais elle a réfléchi avant, mais elle se laisse aller à ce que veut son corps. À ce qu'elle ressent. Oui, à ce qu'elle ressent. Et en fait, elle pense. Ressentir, c'est penser. Elle pense. Mais ressentir, c'est penser, d'une certaine façon. Mais oui. Elle distingue pas les deux, d'ailleurs. Elle a une autonomie. Et elle a une intelligence qui est une intelligence immédiate. Et senti. Et ce que vous disiez sur l'intelligence de Blanche-Neige au départ, effectivement, est assez fragile comme raccord de l'intelligence, parce qu'elle... Moi, je trouve que dans la forêt, elle a quelque chose quand même de la lutte contre les événements, les oiseaux, tous les maléfices qu'il peut y avoir. Elle a quelque chose quand même d'une volonté. Puis ensuite, elle est éteinte. Ça s'éteint. Par ses nains. Qui l'instrumentalise complètement comme boniche. En même temps que quand elle est chez les nains, elle ne désire plus du tout s'en sortir. Elle ne désire plus aller ailleurs. Et oui, il y a une apathie qui s'installe. Oui, c'est vrai que c'est assez mystérieux, cette apathie. Que vous, finalement, votre film, pas vous, mais votre film déjoue complètement. Et alors, la marâtre, bon, elle existe dans le film, chez vous. C'est la mère de Pierre. C'est Isabelle Huppert qui l'incarne. Pierre Péju, dans son livre, qui quand même, il faut être très clair, il raconte des représentations dans les contes de jeunes filles qui le mettent clairement en colère. C'est un livre, je trouve, où on vous entend encore plus dans votre colère là-dessus que dans le précédent sur la petite fille. Et puis la petite fille a une vitalité, on vient de le dire, que la jeune fille souvent n'a plus dans les contes. Et vous dites aussi, Pierre Péju, que une fois remise dans l'ordre masculin, la jeune fille des contes finira soit marâtre à son tour un jour, soit sorcière, c'est ce que vous dites. Et donc c'est terrible, parce qu'il y a une condamnation du féminin, où on va d'ailleurs passer très vite de la case jeune fille dangereuse à marâtre, sorcière méchante. Et qui est pour vous cette mère de la fausse Blanche-Neige qui est Claire dans votre film? C'est une femme qui n'arrive pas à sortir de la prison du regard masculin. Pourquoi cette méchanceté pour vous? Alors évidemment, j'ai joué avec la marâtre initiale. Elle est victime de l'âge, de la temporalité. Elle est victime d'une sorte de... Alors évidemment, c'est exacerbé, c'est exagéré, mais il y a quelque chose d'insupportable de l'idée que l'homme qu'elle aimait, donc qui est incarné par Charles Berling, elle comprend que ça glisse. C'est ça qui lui est insupportable, c'est l'idée qu'elle perde l'amour de cet homme qui est complètement envahi par sa belle-fille. Et elle n'est plus correctement possédée, pourrait-on dire. Elle fait partie de ces femmes qui voudraient être possédées. Elle ne l'est plus, elle ne le supporte pas. Elle ne supporte pas le déclin. Ouais. Le déclin amoureux, une sorte de déclin qu'elle s'impose d'une certaine façon, de manière excessive. Et il y a ce côté mortifère de la jalousie. Alors maintenant, je vous propose qu'on passe à d'autres contes, en particulier... aux contes de Charles Perrault à la fin du XVIIe siècle, qui ont à voir avec les contes populaires français. Et puis là aussi, commençons à nouveau en musique. Et cette fois-ci, c'était la chanson « J'en ai rêvé » de La Belle au bois dormant dans la version de Walt Disney de 1959. La Belle au bois dormant, c'est un texte que Charles Perrault présente parmi les 5 contes qu'il offre à la nièce du roi en 1695. Et puis plus tard, en 1697, il réunira 8 contes dans les fameux, et il y aura évidemment à nouveau La Belle au bois dormant, dans les contes de ma mère Loi. Alors moi, je trouve que les jeunes filles de Perrault sont certes malfaisantes et il faut les mater, les contrôler et les remettre dans le droit chemin. Mais enfin, elles ont des formes d'intelligence et même d'humour. Effectivement, elle en a rêvé, la Belle au bois dormant. D'ailleurs, le texte de Perrault dit que d'abord qu'une des fées sur son berceau lui a donné de l'esprit. C'est pas rien, quand même. En plus de d'autres qui lui ont donné la beauté, etc. Que la fée qui a endormi tout le château autour d'elle lui a aussi permis d'avoir des songes agréables. Donc c'est comme si érotiquement, elle avait été préparée intérieurement par la fée à recevoir, ce qui n'est pas un baiser chez Perrault, mais sera un baiser chez Grimm, hein, les Grimm qui reprendront le conte après. Et puis, bon, d'ailleurs, elle est prête, hein, puisque le conte de Perrault nous dit que c'est leur donneur nuit de noces. Ils dormirent peu. C'est pas inintéressant. Je veux dire, ils ont des choses à se raconter et à faire ensemble. On pourrait d'ailleurs en dire de même de Cendrillon, toujours de Perrault, qui rit. Elle est malicieuse quand même, la Cendrillon de Perrault. En riant, par exemple, elle dit « Oh là là, cette pantoufle, que... voyons si elle ne me serait pas bonne. » Donc, je trouve qu'elles sont quand même assez marrantes. Et même Peau d'Âne, quand elle met son bijou avec une émeraude dans la galette pour séduire le fils d'un prince, elle est... C'est pas une idiote, quoi. Elle doit un sens de la dramaturgie. Oui. Eh bien, je me dis que c'est peut-être lié au XVIIe siècle. Il faut que vous nous racontiez, Paul Constant, ce que c'est qu'une jeune fille du XVIIe siècle. Je crois que c'est l'accomplissement de cette aventure de la fille gibier pourchassée des siècles précédents. C'est un aboutissement parce que on va lui donner un monde à elle. Le départ, c'est que le monde est fait pour les hommes. Et qu'il est commandé par les hommes et que les femmes n'y trouvent leur place que par la maternité ou par le mariage. Et donc la jeune fille, puisqu'on parle de jeune fille, n'y a pas sa place. Donc on va créer le rêve l'utopie, c'est de créer un monde à leur usage. Qui va créer cela, on verra que c'est un monde qui est fermé. Et c'est pas le monde des couvents, c'est pas le monde des châteaux, mais c'est un monde où elles sont protégées. Qui va créer cela, Paul Constant, pour elles, au XVIIe? Les grandes éducatrices du XVIIe siècle, des et femmes, en particulier non. Madame de Maintenon, qui va créer Saint-Cyr, évidemment des jeunes filles pauvres de l'aristocratie, mais de l'aristocratie. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ce monde, c'est un monde intérieur. Plus tard, Saint-Cyr le représente absolument parce que c'est une création architecturale faite pour les filles jeunes et pour leur éducation, pour les protéger jusqu'à l'âge du mariage qui est assez tardif. Hein. Mmh. On peut les marier à 24 ans. On donne, le XVIIe siècle donne à la fille jeune un espace de vie où elle va vivre toute seule, pour elle-même, entre le moment, depuis qu'elle est petite fille, jusqu'au jour de son mariage. Ce qui n'existait pas autrefois, dans la mesure où dès que la fille était pubère, elle était mariée. Donc, c'est vraiment une avancée, et qu'on doit d'ailleurs à l'Église. Donc elles sont protégées quand même par des figures féminines. Oui. Et d'ailleurs, peut-être que les bonnes fées chez Perrault évoquent un peu ces figures féminines, car il n'y a pas de fées chez les Grimm. Il y a des sages-femmes, on sent toute autre histoire. Il y a de la nature aussi, un peu enchantée. Mais chez Perrault, il y a des bonnes fées. Et les bonnes fées, ça existe dans la société des femmes du XVIIe et du XVIIIe. Et ça, c'est Fénelon qui explique aux femmes, de l'aristocratie, parce que j'ai pris le modèle de l'aristocratie parce qu'il y a beaucoup plus de textes, et puis parce que c'est emblématique dans le conte de fées, du conte de princesse. Fénelon explique aux dames qu'elles ont dans la vie un chef-d'œuvre à faire. Et le chef-d'œuvre, c'est l'éducation de leur fille. Mmh. Ma fille, mon chef-d'œuvre. Et ensuite, elle leur explique que c'est là qu'elles peuvent absolument mettre tout leur talent. Donc, c'est aussi bien l'éducation domestique par une mère. Et le XVIIe siècle, qui crée des jeunes filles, crée aussi les mères des jeunes filles, qui sont pas les mères qui allaitent le bébé, ça ce sont les nourrices, mais il y a une mère supérieure qui est une mère, et une mère qui fait l'éducation et la protection de la jeune fille. Et est-ce que ces mères, Paul Constant, qui éduquent leurs filles, et vous l'avez dit, parfois jusqu'à 24 ans dans certains lieux, leur inculquent un petit peu d'hostilité aux hommes, et leur disent de se protéger, elles savent très bien qu'à la fin, il faudra qu'elles se marient et qu'elles épousent, si j'ose dire, un rôle difficile, un rôle dur, un rôle éminemment contestable pour nous aujourd'hui, peut-être déjà mal vu à l'époque, mais on ne pouvait pas le dire. Mais est-ce qu'elles ne leur disent pas, ces femmes, ces bonnes fées, ne leur disent pas quand même, le salut intérieur, c'est loin des hommes? Ah oui, l'homme est haïssable. Et là, au moins vous le dites clairement. Dans tout ce que j'ai lu comme texte d'éducation, il y a un texte absolument merveilleux qui dit les forêts sont pleines de tigres et de lions et d'hommes. C'est-à-dire, c'est un peu le sens du petit chaperon rouge, c'est-à-dire l'homme est prédateur. Et il est historiquement prédateur. Si vous lisez les nouvelles de Marguerite de Navarre, traverser une rivière avec un autonnier peut vous faire que vous êtes violé à 99%. L'histoire du corset, porté dessus puis porté dessous, toute l'histoire des lassages était déjà une protection. Je dis une petite armure. L'armure des femmes, c'est le corset. C'est pas simplement pour avoir une taille mince. Dans tous les textes que je vois, c'est méfiez-vous des hommes, méfiez-vous même du prêtre qui vous confesse. Ne les approchez pas. Ils ne sont pas des nôtres. Ils ne vous aiment pas. Ce sont des séducteurs. Ce sont des diables. Alors ça, c'est vraiment très intéressant, parce que cette histoire d'utopie féminine que vous dénichez par en dessous, même s'il faut que les femmes atteignent un rôle relativement codifié. Qu'en pensez-vous, Pierre Péjus? Oui, pardon, Paul Constant, je vous ai coupé, mais vous allez reprendre après. Il a très envie de réagir à vos propos. Ce qu'explique Paul Constant dans son livre que je cite là dans Les Métamorphoses de la jeune fille, c'est effectivement là aussi une autre forme de fabrique de jeune fille, mais qui est, je pense Paul que tu seras d'accord, qui est beaucoup plus stratégique aussi, c'est-à-dire c'est s'appuyer sur un certain nombre de caractéristiques traditionnelles de la jeune fille, c'est-à-dire sa virginité, et d'une certaine façon son éducation aussi, pour que dans le monde qui est dominé par le masculin, qui est le monde des hommes, que tu donnes comme haïssable, elles arrivent malgré tout stratégiquement à un certain nombre de résultats et peut-être au service des mères qui les ont faites et qui les ont fabriquées, leurs propres filles, dans ce but. C'est-à-dire qu'elles soient pas des purs objets, des pures oies blanches, mais qu'elles les aident à trouver différentes choses, de la puissance, une certaine influence. Et votre livre, Paul Constant, est vraiment passionnant, parce que vous citez bien sûr Madame de Maintenon et Fénelon à la fin du XVIIe siècle, mais aussi le règlement de la duchesse de Liancourt à sa petite-fille, l'avis d'une mère à sa fille de Madame de Lambert au XVIIIe, les conversations d'Émilie, de Madame d'Épinay, Adèle et Théodore, de Madame de Genlis. Il y a une envie, malgré le couvercle social qui est très dur sur toutes ces femmes, de donner à sa fille une idée que vous appelez utopique. Oui, je trouve quand même que avoir réalisé Saint-Cyr, c'est-à-dire construit par Mansart, puis que Madame de Genlis invente le château éducatif, c'est-à-dire qui rappelle à la fois le temps et la géographie, en faisant monter à son élève, Adèle, un escalier qui va du pôle sud au pôle nord, pendant que l'histoire s'étale de la chambre du père à la chambre de la mère, et que tout objet est éducatif parce qu'on ne lui montre pas au dehors, on lui explique, on le lui raconte au-dedans, et que cette sorte d'utopie fabuleuse de l'éducation se retrouve dans un conte absolument ravissant où une princesse doit rester enfermée. D'ailleurs, elles doivent rester ou enfermées ou ensommeillées, et alors les fées, les bonnes fées viennent et puis lui brodent le monde avec des pierres précieuses, lui apprennent les feuilles des arbres, etc., parce qu'elle ne verra pas ça avant 15 ans. Et il faut quand même se poser la question du rapport qu'il y a entre la vie du monde et la vie des demoiselles, et la vie des demoiselles, c'est-à-dire qu'on doit protéger parce qu'elles sont... voilà. Et on retrouve ça merveilleusement raconté dans un roman qui est le roman de Coderlos de Laclos, Les Liaisons Dangereuses. Regardez comment Cécile est à la fois violée par Valmont, oui, et essayer et à la fois dans ce roman il y a à la fois le conte de fées de la marâtre qui est l'antagoniste de Valmont, et puis la mère protectrice mais qui est trompée, et plus la présidente de Tourvel qui, etc., qui sont, elles sont trompées. C'est-à-dire qu'il y a des, c'est très complexe, on ne peut pas avoir d'analyse univoque de cette production romanesque là, quoi. D'ailleurs, Joderlo a écrit quelque chose sur les femmes, hein, sur l'éducation, oui, des femmes, qui est pour nous un peu quand même terrible, mais intéressant. Et Diderot, bien sûr. Alors lui, il a carrément prévenu les femmes que le mariage était un danger. Mais oui, lisez ces lignes à vos enfants. Même... Ce qui est toujours, on prend la virginité comme quelque chose qui est désiré par les hommes, et voilà. Mais faut penser que la virginité a été la première protection, la protection des jeunes filles. Donc l'utopie un peu des Amazones qui se serait comme ça, souterrainement, fabriquée à partir du XVIIe siècle. Alors il y a un roman important, nous parlons ce matin, je précise pour les auditeurs qui viendraient de nous rejoindre, de la jeune fille et personnage extraordinaire, complexe, problématique dans les contes et dans la littérature. Et c'est le premier épisode d'une série que nous vous proposons cette semaine sur l'âge. Il y a évidemment un roman majeur du XVIIe siècle où le rapport mère-fille est là tout le temps, et même structurant, peut-être pour protéger la fille, vous m'expliquerez, Paul Constant, et je ne sais pas si ça va bien marcher. Il s'agit bien sûr de La Princesse de Clèves, de Madame de Lafayette, paru en 1678. Écoutez cet extrait. Il parut une beauté à la cour qui attira les yeux de tout le monde. Et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite, puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. Elle était de la même maison que le vidame de Chartres et une des plus grandes héritières de France. Son père était mort jeune et l'avait laissée sous la conduite de Madame de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à l'éducation de sa fille. Mais elle ne travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté. Elle songea aussi à lui donner de la vertu et à la lui rendre aimable. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Madame de Chartres avait une opinion opposée. Elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour. Elle lui montrait ce qu'il a d'agréable pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux. Elle lui contait le peu de sincérité des hommes, leur tromperie et leur infidélité, les malheurs domestiques où plongent les engagements. Et elle lui faisait voir, d'un autre côté, quelle tranquillité suivait la vie d'une honnête femme, et combien la vertu donnait d'éclat et d'élévation à une personne qui avait de la beauté et de la naissance. Mais elle lui faisait voir aussi combien il était difficile de conserver cette vertu. Il fallait une extrême défiance de soi-même, et un grand soin de s'attacher à ce qui seul peut faire le bonheur d'une femme, qui est d'aimer son mari et d'en être aimée. Cette héritière était alors un des grands partis qu'il y eut en France. Et quoiqu'elle fût dans une extrême jeunesse, l'on avait déjà proposé plusieurs mariages. Madame de Chartres, qui était extrêmement glorieuse, ne trouvait presque rien digne de sa fille. La voyant dans sa 16e année, elle voulut la mener à la cour. Lorsqu'elle arriva, le vidame alla au-devant d'elle. Il fut surpris de la grande beauté de Mademoiselle de Chartres, et il en fut surpris avec raison. Tous ses traits étaient réguliers, et son visage et sa personne étaient pleins de grâce et de charme. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman. Paul Constant, je trouve qu'elle est très difficile à analyser, la princesse de Clèves. À la fois, elle va faire un mariage de raison, conseillé par sa mère. Elle va s'égarer, pour parler comme Pierre Péjú, au bon sens du terme. Mais c'est terrible pour elle, l'amour qu'elle ne consommera pas, mais qui la brûle pour le duc de Nemours, qu'elle révèle à son mari. Finalement, elle ne se soumet à rien, ni au mari, ni à l'amant. Oui. Mais elle ne s'émancipe pas vraiment. Elle finit en retrait du monde. C'est presque inanalysable, la princesse de Clèves. C'est mon roman préféré. Pratiquement, je le relis tous les ans. Je pense que c'est une leçon de conduite extraordinaire. Il y a deux événements très importants et qui sont nouveaux dans ce roman. C'est le fait d'avouer à son mari, de prendre son mari pour ami et de lui demander son aide et de lui avouer une tentation. Et c'est là où le prince de Clèves, lui, est en faute. C'est de pas avoir vu comme cet aveu est extraordinaire. C'est très moderne. Il en meurt quand même. Voilà. Donc il l'a dû le remarquer. Enfin, ouais. Ensuite, c'est la rupture extraordinaire avec le duc de Nemours. Mmh. C'est-à-dire, elle va se permettre de dire au duc de Nemours qu'elle l'aime, mais en même temps, elle lui dit qu'elle le reverra plus. C'est-à-dire, elle s'autorise, elle ne fuit pas, elle affronte, mais en même temps, elle casse les choses. Et puis, elle s'en va en retraite, dans la retraite. Et elle pense, et ça c'est intéressant, parce qu'à défaut de faire, c'est une femme qui analyse ses sentiments. Et là, elle me fait penser à Claire, votre héroïne Anne Fontaine, qui elle passe à l'acte, qui est une jeune fille du 21e siècle, qui a sa vie sexuelle, qui réfléchit pour n'appartenir à aucun de ses amants, qui est une Blanche-Neige à l'envers. Mais la princesse de Clèves, c'est son ancêtre quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Anne Fontaine? Oui, dans ce que je viens d'entendre, il y a quand même déjà une façon d'envisager l'amour, de dire à son mari, de le prendre comme témoin de cet amour ardent qu'elle a pour son amant. Oui. C'est déjà prémoderne, parce que ça n'arrive pas si souvent dans ces époques-là, qui est cette complicité, ou en tout cas cette tentative de complicité, de mélanger plusieurs hommes. Oui. En fait, moi, avec Blanche comme neige, j'ai fait une sorte de tableau de plusieurs hommes qui pourraient constituer un homme magique, qui serait plusieurs hommes. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas éprouver souvent dans la vie parce que, évidemment, on est jugé moralement. Et là, il n'y a pas de. À part la marâtre, qui, elle, a une autre problématique, c'est d'exister et d'éliminer la rivale. Oui. Et bon, c'est fait de manière aussi avec de l'humour. Parce que ce qui compte aussi beaucoup et qui n'est pas autorisé aux femmes pendant pas mal de temps, c'est d'avoir de l'humour. Et on rit encore à la princesse de Clèves aussi, à ce moment où, à propos de la lettre, enfin, il passe des moments joyeux. Elle, oui, il est probable qu'elle ne couche pas avec son amant, mais enfin, il y a des moments de joie. De joie et ludique. Il y a quelque chose, parce que dans l'expression de la liberté, moi je trouve que la joie de rire avec quelqu'un, de rire avec un homme, c'est quelque chose de tellement fort émotionnellement. Et souvent, à Blanche-Neige, la vraie, je ne pense pas qu'elle riait beaucoup. Alors que la vôtre, elle se marre. Et alors, est-ce que vous pensez que Claire, votre anti-Blanche-Neige, utopique peut-être, pour reprendre le mot de Paul Constant, qui, allant au bout d'une utopie féminine qui n'aurait plus peur des hommes, alors que l'utopie c'est l'utopie transcendée. Voilà, l'utopie transcendée. Vous pensez qu'elle va bien en ce moment, celle-là? Ou bien que MeToo lui a fait du bien, que les femmes sont devenues claires de votre film Blanche comme neige et ne sont plus des blanches neiges, qu'on est allé au bout de l'envie, un, d'être éduquée, deux, de se protéger des hommes, mais trois aussi, de ne plus avoir peur d'eux. Où on en est? Il y a quand même l'idée d'avoir une liberté plus grande à tous les niveaux sociaux, dans ce qu'on dit déjà, regardez comment on en parle, nous. Il y a quelque chose quand même d'assez irrésistible dans une prise de liberté. Mais est-ce que tout le monde en pâtit, je pense qu'on ne peut pas être didactique sur ce genre de sujet. Ça dépend de son éducation. C'est dur de s'affranchir d'une éducation qui n'est encore pas très lointaine dans le temps. Et puis, il y a quand même quelque chose de chimérique à l'idée de dire que MeToo a tout fait. Oui. Ça, c'est très caricatural. MeToo ne vient pas de nulle part. Parce que ce mot MeToo n'est pas une potion magique qui a ouvert toutes les vannes et toutes les libertés. C'est quelque chose d'intime. Les bonnes fées qui aident les jeunes filles à aller bien dans leur tête et dans leur corps, sont-elles en forme, Pierre Péjeux? Les bonnes fées, il y a toutes sortes de bonnes fées. Enfin, ce que je voudrais, c'est revenir sur une chose, c'est que ici, le personnage de Claire est un personnage, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, assez utopique, parce que il se passe quelque chose dans la modernité, c'est-à-dire en ce qui concerne justement la jeune fille, qui est tout à fait singulier, c'est-à-dire, comme certains historiens l'ont souligné, pendant des siècles et des siècles, la fille a été traitée de la même façon, fabriquée, formatée de la même façon, même si, parce que dans mon livre Métamorphose de la jeune fille, j'envisage ce personnage de jeune fille que Paul Constant a raison de dire, le terme jeune fille est peut-être inventé au XVIIe siècle, mais de cette figure, elle a toujours existé. Je cite depuis Homère, enfin, lorsque Nausicaa apparaît à Ulysse, c'est une parfaite jeune fille. Et donc, cette jeune fille est très ambiguë, très ambivalente. Mais disons que au 21e siècle, quelque chose se passe, mais les filles d'aujourd'hui, quel rapport ont-elles avec cette figure de la jeune fille? Alors d'une part, on peut dire que pour certaines, dans certains milieux, dans certains pays, parce qu'il faut aussi penser à comment on traite les filles dans un nombre très important de pays, mais ce qu'elles vivent est très ambivalent, très difficile, quelquefois source de crise, de perplexité, etc. Et la nouvelle jeune fille est quelque chose qui s'invente actuellement, mais non sans difficulté, non sans risque de régression, comme on l'a vu à beaucoup d'endroits. Mais il y a surtout un problème là, et on est obligé d'y aller vers la fin. Et c'est un problème qui est refoulé dans les contes. C'est la question du désir masculin pour ces jeunes filles, vierges, parfois pas très futée comme la Blanche-Neige du conte, cette envie d'avoir ce personnage totalement passif. Je voudrais rappeler ce que vous m'avez appris, Pierre Péjut, que dans La Belle au bois dormant, Perrault, à la fin, nous raconte un prince qui arrive et puis c'est fini le sortilège. Au moment où il rentre dans la pièce, la belle se réveille. Mais dans les contes originels, Perse Forest du XIVe siècle, publié en 1528, ou dans Soleil, Lune et Thalie de Giambattista Basile de 1634, le prince, il entrait dans la pièce et il la violait. Et elle ne se réveillait pas. Et d'ailleurs, dans un de ces deux contes, c'est le père lui-même qui violait sa fille. Et il y a, on a aussi ça des dans enfants. Les mythes, hein. Voilà. Et ça, Perrault a bien mis de côté. Tout le mal chez Perrault, c'est chez les femmes. Hein. Mais le mal des hommes, M.A.L., est édulcoré. Et d'ailleurs, dans ces contes, la belle ne se réveille que parce qu'elle accouche d'un ou de deux enfants, selon les contes que j'évoque là. Et un des bébés lui tète le doigt. Et là, elle se réveille. Je veux dire, tout ça a été gommé par les contes eux-mêmes. Est-ce que ce n'est pas ce viol originel sur les jeunes filles qu'aujourd'hui, peut-être avec outrance parfois, mais ça peut se comprendre, l'époque a envie de repenser, de se remémorer? Bien sûr. Mais vous insistez sur cette dimension du, à la fois, ou du regard du mal très violent, ou du viol lui-même. Cet unique rapport. Donc on peut peut-être considérer que cette violence masculine suggérée, mais pas toujours évoquée, elle est aussi, paradoxalement, le résultat d'une peur. C'est-à-dire qu'aussi, il faut penser à la peur masculine du féminin. C'est-à-dire que la jeune fille que je présente dans tout le livre comme étant effectivement formatée, mais très ambiguë, c'est-à-dire qu'à la fois, elle est passive dans certains cas, elle est objet d'échanges, de ventes, de consommation, elle est aussi utilisée pour les sacrifices, mais en même temps elle terrifie, c'est-à-dire qu'elle a des puissances magiques. D'ailleurs, si c'est elle qu'on sacrifie dans les sacrifices du théâtre grec, c'est elle le mal. Alors quand on lit avec vous, on se rend compte qu'on projette sur elle. Et par exemple, Griselidis, le conte de Perrault, est un conte terrible. C'est l'histoire d'un homme qui déteste les femmes. Il va faire subir à Griselidis des choses épouvantables, à séparer de son bébé, qui est d'ailleurs féminin, lui demander ensuite de coacher cette jeune fille, alors qu'elle-même va être abandonnée pour que la nouvelle jeune fille prenne sa place. Enfin, c'est horrible, c'est la soumission. On pourrait aussi parler du désir d'inceste, évidemment, dans Podane. C'est le père qui veut épouser sa fille. Donc tout est là, mais un peu caché dans les contes. Et vous faites quand même ressortir présente. Ça. Et comme je disais, moi je prends le récit, enfin ce que j'appelle les grands récits, comme quelque chose raconté. C'est quelque chose de profondément humain, qui est extrêmement important. Et tout est dit dans les récits de façon inégale, de façon modulée. Mais tout récit, comme je disais, contient à la fois une sorte d'état dominant des choses, c'est-à-dire une sorte d'idéologie dominante, si on veut, mais en même temps laisse passer quantité d'autres choses qui sont suggérées, et donc tout dépend comment on les écoute et comment on les raconte. Or, effectivement, j'aurais bien aimé qu'on vienne jusqu'à la modernité. Qu'est-ce qui se passe? C'était votre question d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Effectivement, ce qu'on a appelé, on n'a pas encore prononcé le mot depuis le début de l'émission, le patriarcat est quand même relativement mis à mal. Vous parlez aussi de viriarcat. Oui, le viriarcat étant ce qui succède au patriarcat, c'est-à-dire lorsque le père n'a plus la puissance qu'il a pu avoir traditionnellement et tenue par les institutions, et ben l'homme continue à essayer de dominer. C'est le viriarcat, c'est un terme que j'ai pris chez une anthropologue qui s'appelle Nicole Claude Mathieu, qui était une disciple de Lévi-Strauss, et je trouve ça très intéressant. Paul Constant, vous êtes la seule à n'avoir pas pu vous exprimer sur en ce moment. Je vous écoute. Sur la modernité, je suis très étonnée. Il y a une sorte d'unisexe qui est en train de se former. Ça s'appelle les adolescents, ça s'appelle les jeunes. Et je m'intéresse aux injures. Et les injures que s'envoient les jeunes filles, et en particulier, elles font allusion à des organes génitaux qu'elle ne possède pas. J'en ai rien à, voilà. Et c'est bon, bah, très très très intéressant. Comment elle se bat. Elle se bat comme des garçons. Et je voudrais. Oui. Quand même, je disais ça, Paul, contemporain, on disait qui raconte et qui reprend un peu toutes ces histoires de contes. C'est le superbe livre de Neige Sino, Triste Tigre, qui est apparu cette année. On a le nom de Neige, on a cet inceste dans la neige, la montagne, on a cette façon de cet homme qui demande à sa belle-fille en permanence de l'aimer, c'est comme un espèce de conte terrifiant, sociologique, historique, et qui passe par une nouvelle forme de roman-essai, et qui continue de nous parler de ce que nous avons abordé aujourd'hui. Merci mais de cette référence. Il faudrait un an. Mais oui, il faudrait toute la matinée, il faudrait toute la semaine. Nous sommes très frustrés, mais je suis navrée. C'est la fin de notre échange. Mais maintenant, je vous propose d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Voici le pourquoi du comment. Comment contracte-t-on une habitude? Cela peut aller extrêmement vite et chacun a son rythme en quelque sorte. Et dans mon cas, cela peut aller extrêmement vite. Par exemple, la première fois que j'ai pris un café dans tel ou tel endroit nouveau, dans telle ou telle ville, je l'ai pris de telle ou telle façon. Et le lendemain, je le prends exactement de la même façon. Et si le troisième jour, je ne le prenais pas de la même façon, j'aurais l'impression déjà de déroger à une habitude. Il y a donc quelque chose qui peut s'installer extrêmement vite. C'est le fait de prendre ce que l'on appelle un pli, une habitude, une manière de faire qui devient non seulement générale, non seulement définissable par opposition à d'autres, mais qui devient un petit peu normative, qui devient quelque chose comme une règle et presque comme une institution. On a envie de respecter tout de suite la façon dont on a fait les choses la fois précédente et de les faire de la même façon exactement la fois suivante. Il y a dans la notion d'habitude un véritable mystère, un véritable problème, précisément par cet aspect de règles, d'institutions, qui fait que même inversement, les institutions sont toujours définies par des systèmes d'habitudes, par des préceptes auxquels il ne faut pas déroger, des règles qu'il faut respecter, et bien sûr aussi qu'une société peut justifier par de bonnes raisons, par des principes. C'est ce qui va distinguer une institution explicite, officielle, d'une habitude implicite surgie de la vie. Mais la question de l'habitude est donc une question véritablement fondamentale. Si on voulait la résumer, il faudrait la relier à la question de la vie, évidemment. La question de l'habitude, c'est de se demander comment se fait-il que la vie elle-même, notre corps, notre comportement, puisse produire quelque chose comme des règles, quelque chose qui, pour le meilleur et pour le pire, car c'est là l'enjeu fondamental, on peut prendre de bonnes ou de mauvaises habitudes, quelque chose qui, pour le meilleur ou pour le pire, se met à façonner nos actions d'une manière normative, comme si nous faisions ainsi et pas autrement. On comprend que Aristote, dans son Éthique, dans l'Antiquité, est fait de cette notion d'habitude, en grec lexis, la disposition régulière à faire quelque chose dans ce sens ou dans un autre, le cœur de ce qu'il appelait la vertu ou le vice. On appelle vertueux celui qui a pris l'habitude, chez qui c'est devenu une règle et une routine de faire le bien. Et l'éthique, ce n'est pas seulement des principes abstraits qui consistent à définir des règles morales, des devoirs en général, mais ce sont des pratiques incarnées en nous et qui deviennent des règles presque implicites. Quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui en vient à faire le bien presque naturellement, chez qui c'est devenu, comme on dit, une seconde nature. Inversement, le vicieux, le méchant, c'est celui qui presque mécaniquement, en quelque sorte, fait le mal, chez qui le mal est devenu une habitude. Alors l'habitude est ce mystère très profond du corps de la vie qui produit des mécanismes, des catégories et même des règles pour le meilleur et pour le pire. Bien sûr, certains philosophes, en particulier les empiristes, ont fait de l'habitude surtout un pouvoir de connaître, un effet d'association d'idées. Et certains interprètes, il y avait un projet de thèse là-dessus de Benjamin Descote-Génon, certains interprètes essayent de distinguer ces deux grandes théories de l'habitude et ils ont raison. Mais le vrai mystère, c'est quand même toujours qu'il y va de la vie, que le corps contracte des règles, qu'elles nous influencent pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la politique, que les habitudes peuvent être des protections, mais aussi des pièges. Merci Frédéric Worms et merci Anne Fontaine, Pierre Péjuet, Paul Constant pour vos analyses du personnage de la jeune fille, en particulier dans les contes autour du très beau livre de Pierre Péjuet qui vient de paraître. Les références de vos travaux sont sur le site d'Avec Philosophie. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Riad Kera et Daphné Leblon avec à la technique Dalia. Merci aussi aux équipes techniques de France Bleu Provence. Cette émission a été préparée en particulier par Carla Michel et merci à tout le reste de l'équipe d'Avec Philosophie.